17.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les passages suivants et répondez aux questions. 1. Mon nom s'écrit avec un Y et le mot anglais pour tailleur s'écrit avec un I. Comment s'écrit le nom de Robert? Avec un Y ou avec un I? Avec un Y. 2. Ça ne fait rien, c'est sûrement la même chose. L'orthographe, vous savez, ça ne veut rien dire. D'après Mireille, est-ce que l'orthographe est importante? Non, ça ne veut rien dire. 3. Bouvier, c'est le nom de jeune fille de ma mère, mais ce n'est pas le nom de métier. Pourquoi Robert remarque-t-il le nom de Bouvier? Parce que c'est le nom de jeune fille de sa mère. 4. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite? Je voulais être infirmière et actrice. Infirmière le jour et actrice le soir. Qu'est-ce que Mireille voulait être quand elle était petite? Infirmière et actrice. Infirmière le jour et actrice le soir. 5. Quand j'avais 8 ou 9 ans, je voulais être pompier. Et Robert, qu'est-ce qu'il voulait être quand il avait 8 ou 9 ans? Pompier. 6. Ouais, c'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Moi aussi j'avais des idées tout au bizarre. Qu'est-ce qu'il pense de ces idées maintenant? Il pense qu'elles sont bizarres. Il pense qu'elles sont drôles.